Bonjour, je suis Nijo. Bonjour, je suis Ether. Et bienvenue sur Otakuz. Nous sommes le 9 octobre 2009 et vous écoutez le tout premier épisode d'Otakuz. Alors, Ether, toi tu vas bien? Ouais, moi ça va, et toi? Ouais, bah, je suis un peu fatigué, j'ai pas trop dormi à cause de l'orage, j'ai Ouais, pas. à vrai dire, ouais, il y a eu l'orage aussi, il y a ma Lightbox, j'ai eu trop peur, il y a eu The Tonnerre. Donc j'ai débranché toute Super. cette nuit, j'ai eu peur qu'elle se connecte pas ce matin, mais ça va là, on dirait que ça marche. D'ailleurs, je sais pas si je te l'ai dit parce que j'ai la tête dans le cul, mais merci beaucoup parce que sinon je pense que ma box aurait grillé. Ouais. Et merci beaucoup de m'avoir téléphoné à 2h du matin. Voilà. Néoul, le Var, la France! Ah ouais. Le bled, Alors, bon, on va. Ouais, le bled. Bon, bah, on va commencer de suite avec le sommaire. Alors, cet épisode va commencer avec la première rubrique, la rubrique jeux vidéo, où moi-même je vais vous présenter le test de Halo 3 ODST. Et Ether va vous présenter One Piece Ultimate Cruise 2, l'éveil d'un héros. Ok, ben on poursuit alors la deuxième rubrique, ça sera la rubrique manga anime, où moi je vais vous présenter les sorties manga, donc du mois de septembre, parce que le mois d'octobre il n'est pas encore arrivé, j'ai pas encore les news. Ensuite on va faire une présentation chacun anime et manga, donc Nijo il a choisi Hajime no Ippo, et moi j'ai choisi Maihime. Et pour la troisième rubrique, film drama, je présenterai Flying Boy et Terre présentera Tayu no Uta. Je vais donc commencer avec mon test de jeu vidéo. Halo 3 ODST, édité par Microsoft et développé par Bungie, ce quatrième volet de la série d'Halo nous fait faire un petit bond dans le temps, car on revient à l'époque des tout premiers niveaux d'Halo 2, mais cette fois-ci dans la peau d'un membre ODST, un soldat des forces spéciales. En plus d'une fabuleuse campagne très prenante, le jeu nous offre un tout nouveau mode, le baptême du feu, un mode où l'on doit, seul ou avec des amis, se défendre contre des vagues d'ennemis de plus en plus puissantes. Tout cela accompagné d'un tout nouveau système de score qui nous laisse dans une petite compétition, mais tout en se protégeant les uns les autres. En plus de son CD Halo 3 ODST, la boîte de jeu nous offre un deuxième CD, le jeu Halo 3, pour jouer en multijoueur, donc en live. Plus tous les packs de cartes qui sont normalement payantes et à télécharger sur le Xbox Live. Donc le seul point mauvais que je pourrais trouver à Halo ODST serait la durée de vie de la campagne qu'on peut boucler facilement entre 4 et 6 heures en mode légendaire, donc le mode de jeu le maximum. 4-6 heures, ouais, on le boucle. Par contre, les points bons, l'histoire de la campagne est vraiment très prenante. On doit retrouver nos coéquipiers perdus dans la ville et on change de personnage, donc c'est vraiment excellent. On voit différents scénarios dans la campagne. Le baptême du feu, le nouveau mode qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est 50% du jeu. Franchement, on s'amuse. Franchement, même après un mois de jeu, on s'amuse toujours autant avec le baptême du feu. C'est vraiment vraiment excellent. Et bien sûr, le deuxième CD, Halo 3 multijoueur, que normalement on devrait acheter le jeu Halo 3. Donc en gros, c'est ce jeu-là sans la campagne. Donc c'est vraiment excellent. Et les cartes normalement qui sont à acheter, que ça nous reviendrait vachement cher, ben là c'est gratuit. Et le jeu neuf, ben il est simplement à 50 €, ce qui est vraiment pas cher pour un jeu neuf de Xbox 360, que maintenant on frise les 75 € par jeu neuf limite. Donc la note que je pourrais donner à Halo 3 ODST serait un gros 17. Ouais, un 17. Et toi, Ether, tu nous présentes ton jeu? Ok, alors moi je vais vous proposer le deuxième volet de One Piece Unlimited Cruise, le numéro 2, donc l'éveil d'un héros. Il a été édité par Namco Bandai et développé par Gambarion. C'est un type action-aventure, car j'aime ça. Hein. Il est sorti le 18 septembre 2009 en magasin en France et est Sur Wii. conseillé, ouais, sur Wii, j'ai oublié de le préciser, C'est pas grave. conseillé au moins de 12 ans, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc ce volet est surtout pour les joueurs qui ont déjà terminé le premier volet, soit le trésor sous les flots, et qui souhaitent poursuivre le voyage en compagnie de Luffy et son équipage. Vous avez la possibilité de récupérer vos données de sauvegarde du premier jeu afin de reprendre vos boosts de vos persos ainsi que les objets durement obtenus. One Piece Unlimited Cruise 2, l'éveil d'un héros vous propose 9 personnages jouables avec possibilité de passer d'un personnage à l'autre à tout moment du jeu. Chaque personnage évolue indépendamment des autres, donc évitez de laisser des personnages à la traîne, sur le côté, si vous souhaitez développer ces attitudes de combat. Les combats sont faits avec un système de combo ou furie qui consiste à effectuer une série d'attaques précises pour voir sa puissance décupler un court instant. Alors, t'en penses quoi? Tu noterais combien à ce jeu? Moi, déjà, vu que je kiffe One Piece, je suis encore les épisodes et tout, moi je mettrais un 17-18, plutôt un 18. Parce que bon, c'est vraiment, moi j'adore les personnages. T'as vraiment tout, tu retrouves vraiment toutes leurs attaques du manga, le Chewing Rocket de Luffy. Ah, mais c'est énorme alors. Toutes les transformations de Chopper, c'est vraiment. Il y a Franky, il y a vraiment tous les personnages. Et il y a Usopp. Il y a Usopp, effectivement, ouais. Ah, donc tu peux sans doute faire son lance-pierre là. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment. Ah, bah c'est génial. Neuf Du coup. personnages jouables, donc. Voilà. Après cette rubrique jeux vidéo, nous allons écouter Yuna Ito avec son titre Urban Mermaid. La rubrique manga anime. Alors Ether, tu nous as concocté un petit dossier de sortie de manga de mois de septembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah vas-y, je t'en prie. Ok, alors je vais vous annoncer les sorties manga du mois de septembre, hein, car j'ai pas reçu l'apparition des sorties d'octobre. Je vais commencer édition par édition, et principalement les mangas les plus regardés. Et si vous souhaitez avoir des news sur un manga en particulier, nous avons créé un forum pour cela, justement. Alors je commence avec l'édition Glénat, des sorties du 9 septembre 2009. Il y a eu le tome 17 de D.Gray-man, ainsi que le tome 51 de One Piece. Ensuite, toujours dans les éditions Glénat, le 23 septembre 2009, il y a eu le tome 34 de Bleach. Alors, si je me souviens bien, dans le tome 34, vous devriez tomber sur la vraie forme de Nell, et peut-être sa libération, mais je ne vous en dis pas plus. Nell face à Noitra, moi perso, je dis, ça promet. Voilà. Alors, continuons encore avec l'édition Kana, cette fois-ci. Le 18 septembre 2009, il y a le tome 13 de Death Note, How to Read. Ah, ça c'est bon. Ah ouais, je sens que même moi. Ah, je vais me l'arracher lui peut-être. Alors, je continue avec l'édition Kurokawa, le tome 5 de Soul Eater, qui est paru le 10 septembre 2009. Puis je vais finir avec l'édition Pika, qui le 9 septembre 2009 nous propose le tome 17 de Air Gear et le tome 8 de Fairy Tail. Ils en sont que au tome 9, Erguer? Non, le tome 17 de Air Ah, Gear 17. et le tome 8 de Fairy Tail. Voilà. Ok. Nijo, je te laisse commencer par la présentation anime-manga. Alors, quel manga as-tu choisi pour ce premier épisode? Alors, je vais vous présenter un anime un peu long puisqu'il y a 76 épisodes. C'est Yajirobe no Ippo, un manga de Georges Morikawa. C'est l'histoire de Ippo Makunouchi, un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qui élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous de son lycée. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve de ses agresseurs et emmène Ippo blessé au club de boxe Kamogawa, tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa, désolé, pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable. Expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. Alors à la base, je ne suis pas du tout manga de type sport, mais celui-ci, il y a un petit truc qui fait qu'on s'attache drôlement au personnage principal. Durant tous les épisodes, Ippo évolue aussi bien dans la boxe, mais aussi dans ses relations avec les gens, surtout avec sa mère, fille, ce qui rajoute une petite touche de romance à ce fabuleux anime. Et moi, comme j'adore la romance, franchement, je vais le noter 16. Yajirobe no Ippo, je le note 16. Il a une bonne son vraiment, vraiment excellente. Les musiques sont vraiment très bien et très prenantes. Franchement, je le conseille à tous ceux qui aiment la boxe et même ceux qui n'aiment pas la boxe, parce que moi, je l'aime pas plus que ça. Donc franchement, c'est vraiment un bon anime. Vas-y, Ether, à toi de présenter ton anime. Ouais, attends, juste avant de commencer, en fait, je connaissais pas Jimeno Hippo, hein, faudrait que j'aille voir justement, ça m'a l'air bien. Hein. C'est vrai que boxe, du coup, bah moi, ça me plaît pas trop, mais la romance, ouais. Bah, c'est vrai que là beaucoup les combats et tout, mais c'est vrai qu'on s'attache vraiment à Ippo. Au début, en fait, pour parler dans le jargon gamer, au début c'est un petit noob. Et il évolue, il évolue, il évolue, comme Pikachu avec Raikou, j'ai envie de dire. Et finalement, ben, il devient, il fait carrément la ligue de la boxe. Et après, voilà, il fait vraiment des tournois. C'est vraiment, vraiment excellent. D'accord. Ouais, ben, pourquoi pas? Ouais. Ok, bon, ben, je vais commencer directement avec Maihime. Voilà, alors, moi j'ai choisi Maihime, réalisé par Masakazu Obara, l'auteur étant Hajime Yatate. Ce manga étant 26 épisodes est paru dans les années 2004, donc il n'est pas tout récent effectivement, mais c'est une découverte pour certains tout de même. Le genre ou plutôt les genres, car il y en a plusieurs, comme comédie, action, drame, supernatural et mecha, Alors, qu'est-ce que c'est que mecha? C'est tout simplement tout ce qui est incarnation robotique, armure et cyborg, pour ceux qui ne savaient pas. Simple type d'information. Donc, je vais vous parler maintenant du résumé de Mahime. Tokiya Mai et son frère malade Takumi ont été transférés dans une école privée, mais lors de leur traversée en ferry pour se rendre à cette école, celui-ci devient un champ de bataille entre deux filles au pouvoir surnaturel. Mais par la suite, Mai se rend compte qu'elle fait partie de ces jeunes filles au pouvoir extraordinaire, soit les Hime. Voilà, je vous en dis pas plus, sinon ça va un peu vous gâcher l'histoire. Voilà. Ouais, ben, je vais essayer de voir, mais moi, pas beaucoup les trucs méca. Ouais, bah en fin de compte, c'est mecha, tu les vois pas trop au début, c'est plus le surnaturel, donc les pouvoirs, style boule de feu ou bouclier, tu vois. Mais sinon, ouais, les mechas, bon, bah, on les voit au fur et à mesure, de plus en plus, en avançant dans le manga, bien que 26 épisodes, ça passe plutôt vite. Ouais, c'est court, donc je vais peut-être regarder. La partie manga anime terminée, on va se diriger vers la rubrique film drama avec Mongol 800, Shisana Koinu Uta. 広い宇宙の数ある一つ青い地球の広い世界で小さな恋の思いは届く小さな島のあなたのもとへあなたと出会い時は流れる思いを込めた手紙も増える 時が troisième et dernière rubrique de ce premier épisode, la rubrique film-drama. Je vais commencer de suite avec le film coréen Flying Boy. C'est du genre drame. C'est avec les acteurs Yoon Jin-sung et Kim Min-jung. Donc c'est un peu difficile à prononcer, le nom coréen, c'est pas nouveau. Hein. C'est l'histoire de Min-jae, qui prépare le concours d'entrée à l'université et qui vit seul avec son père depuis le décès de sa mère. Malheureusement, son père ne rentre pas très souvent à cause de son travail. Il est pilote de ligne. Min-jae est attiré par sa voisine de son âge, Soo-jin, mais ne dévoile pas ses sentiments de peur d'essuyer un refus. J'ai trouvé ce film vraiment, vraiment très prenant, avec de très bonnes musiques et vraiment triste, ce que j'adore. Donc je le déconseille vraiment aux dépressifs parce que c'est vraiment horrible des fois. Pendant ce film, on passe des histoires d'amitié à d'amour et en passant par des histoires de famille. C'est un pur bonheur pendant 2 heures de film. Franchement, je vous le conseille, il est énorme. Ah ouais, je connaissais pas ton truc. Ouais, bah en fait, je l'ai vu là pas très longtemps et en plus, tu peux le regarder, c'est un film, ça te prend que 2 heures. Et... Ouais, c'est vrai que comparé au drama, ça t'évite de... Ouais, le drama japonais, c'est plus ou moins 11 à 12 épisodes. Et les coréens, ça va jusqu'à 16 voire 20 épisodes, donc tu vois... Ouais, puis là, comme c'est un film, bah c'est... Voilà, c'est nickel. Voilà. Donc si vous n'avez pas de temps, vous pouvez le regarder. Ouais. À toi, Ether, tu enchaînes ? Ouais, ouais. Bon, bien que je sois plus Japon que Corée, moi, mais... Oui. Il y a certains dramas, films coréens que j'aime bien, donc... Bon, je vais commencer pour ce premier épisode de cette rubrique drama. Je souhaite vous parler de Tayu no Uta, réalisé par Yamamuro Daisuke, Takei Tatsushi et Imai Natsuki, au Japon, avec comme genre romance et musique. Les acteurs sont Erika Sawajiri, qui interprète Amane Kaoru. Ensuite, il y a Sato Megumi, qui est le meilleur ami de Kaoru, Yamada Takayuki et ou Fujihiro Koji, le prétendant à la place de petit ami de Kaoru, Matsushita Nao, qui interprète Tachibana Azami, la meilleure amie et ou petite amie de Koji, et les amis de Koji étant Tanaka Kei ou Onishi Yuta et Gaku Amada, interprétant Kato Haruo. Alors, Tayu no Uta, ou Le Chant du Soleil en français, raconte l'histoire d'amour de Fujihiro Koji, un garçon qui aime entreprendre des choses en plein jour avec ses amis, et d'Amane Kaoru, une jeune musicienne des rues qui souffre d'une maladie incurable qui ne lui permet pas de paraître aux rayons du soleil et qui vit donc entièrement la nuit. Koji, ayant abandonné tous ses rêves après s'être fait renvoyé de son travail, reprend goût à son ancienne passion qui était la musique en regardant Kaoru se battre pour devenir chanteuse malgré sa maladie plutôt handicapante. Voilà. Alors moi, j'ai vraiment aimé et ça m'a vraiment ému, ce film. Hein. C'est vraiment triste à certains moments de voir cette jeune fille plutôt jolie. Hein. Faut le dire. Hein. Ah, tu l'as vu. Ouais, faut le dire. Ouais, je l'ai vu et franchement, t'as oublié de dire que dans le genre, c'était quand même un genre drame aussi. Ouais, ouais. C'est drame, amour, romance, amour. Et musical. Ouais. Et bon, c'est vrai que la base, elle est plutôt sur sa maladie, sur la musique. Et en parallèle, il y a l'histoire d'amour qui, franchement, elle est vraiment bien réussite. Et c'est vraiment un plaisir. Les musiques sont énormes. Hein. Voilà. Elles sont magnifiques, les musiques. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans l'épisode de présentation, c'est une des musiques à la fin. Voilà. À l'épisode de présentation, à la fin, nous avons passé Amane Kaoru Stay With Me, qui était un des titres du drama, qu'on entend à plusieurs reprises. Oui, il y en a deux principaux titres de musique dans ce drama-là. Et franchement, c'est vraiment un très très beau drama. Si vous avez du temps, si vous aimez le Japon, si vous aimez ce genre-là, franchement, foncez-y. C'est vraiment magnifique, vraiment. Et pour être honnête, j'ai pleuré au moins 3 fois. t'as compté toi ou pas Non, mais c'est vrai que ça met les larmes aux yeux quand même. Ouais, moi je pleure pas, je suis un bolos. Ce tout premier épisode se termine, donc on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés, c'était un plaisir pour nous. On risque de faire le deuxième épisode dans deux semaines, voire trois, voire un mois. ça dépendra du temps qu'on a. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc on a tous les deux nos Twitter, c'est sur le à droite du ouais, site. Le lien juste en dessous des modules, il y a les liens à disposition. Il suffit de cliquer et vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre et bientôt dans quelques jours on va faire le forum Otakuz. Donc vous pourrez venir et on pourra parler de tout et de rien, des rubriques, de ce que vous voulez entendre. Ouais, des vibrations si vous souhaitez nous donner quelques conseils, etc. Parce que ça reste amateur, hein, faut pas l'oublier. Oui. Et il y aura aussi le groupe Facebook qui sera fait, donc si vous avez un compte Facebook, vous pourrez venir et on annoncera les épisodes sur la page. Sur ce, ben, on vous dit au revoir. Oui voilà, je vais vous dire au revoir et je vous laisse avec cette dernière note musicale qui sera l'arc-en-ciel et comme titre Driver's Height. À bientôt. À bientôt. Hey, Sam!